Un brin d'exotisme. Avant de s'envoler pour Singapour en ce printemps 1982, Maxime anime deux séminaires à Paris. Ceux-ci s'adressent à tous les ingénieurs concernés par les problèmes de compatibilité électromagnétique dans le secteur public. Chaque cours repose sur un support de plusieurs centaines de pages conçu par l'instructeur qui l'anime. À la fin du cours, les élèves remplissent un questionnaire et se voient remettre un diplôme avec une belle incrustation dorée en guise de médaille. Voilà qui est typiquement américain. À cette époque, un des travaux de Faustine consiste à éplucher ces questionnaires afin d'en analyser les réponses. Un travail payé qu'elle peut effectuer dans n'importe quelle salle d'attente d'aéroport ou chambre d'hôtel. Maxime profite de cet intermède parisien pour se faire tailler deux costumes sur mesure, en tissu, tenant compte du climat équatorial de la Suisse asiatique, comme on surnomme Singapour. Faustine fait quelques courses aussi, mais réserve un peu d'argent pour s'offrir des fantaisies originales sur place. Elle a gagné plus de 1 000 $ avec son travail de bibliothécaire technique, mais elle n'en a rien dit à son homme, bien qu'il ait tout tenté pour le savoir. Bisque, bisque, rage. Ça la dédouane un peu des vexations subies parce qu'elle travaille au noir. L'heure du départ pour la lointaine Asie arrive enfin. L'avion, un Boeing 727, affrété par Air France, déçoit un peu Faustine, qui le trouve bien petit pour effectuer une telle distance, même avec une escale à Bahreïn. Maxime explique que c'est un avion conçu pour atterrir sur des pistes courtes, comme c'est le cas de l'aéroport de Singapour Changi. On a eu beau ajouter 53 millions de mètres cubes de terre à la presqu'île pour prolonger la principale piste d'atterrissage, elle ne peut pas encore accueillir de plus gros appareils. Nonobstant ce détail, Faustine est ravie. Elle est dans son élément. Elle exulte, comme chaque fois qu'elle a l'occasion de voyager. On leur a attribué d'excellentes places. Le personnel de bord est aux petits soins pour eux. Le voyage sera très long, plus de 18 heures, escale comprise. Le steward est particulièrement sympa. Légèrement efféminé, il a tout de suite été attiré par Maxime. Faustine rit de l'embarras de son compagnon, coutumier pourtant de ce genre d'incident. Mais qu'y faire? Sa virilité exsudée semble convenir aussi bien aux hommes qu'aux femmes, dirait-on. Après tout, tant que cela leur procure des privilèges, tels qu'une petite coupe de champagne à l'apéritif et une seconde bouteille de vin avec le repas, pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, Jérôme est un grand spécialiste de l'île aux lions, comme on appelle Singapour, où de fait, on n'a jamais vu de lion, et seulement des tigres. Le steward dispense à l'envi bons conseils et idées d'excursion, tout en agitant ses mains dans tous les sens et en émettant des gloussements ponctuatifs. Les deux voyageurs évitent de se regarder. Oh là là, il faut absolument aller visiter le parc aux oiseaux de Jurong. C'est le plus beau. Il y a des milliers et des milliers d'oiseaux, des centaines d'espèces différentes. Dans quel hôtel vous êtes déjà? Sheraton. Oh oui, il est magnifique. Vous verrez, ils auront sûrement une navette pour vous conduire au parc. C'est trop loin pour y aller à pied. Ok, on demandera. Merci beaucoup, Jérôme. Pendant le trajet, Jérôme reviendra leur parler à de nombreuses reprises. Il leur conseillera la visite du jardin du baume du tigre, par exemple, mais aussi d'aller voir une plantation de caoutchouc, sans oublier le jardin botanique. Décidément, il aime la nature. Ou encore le temple de Srinivasa Perumal, dédié à Vishnu. La paix? Demande Maxime malicieusement. Rigole Jérôme. Oui, sans doute, mais ne faites pas ce genre de blague en public là-bas. Les Singapouriens apprécieront modérément, ils sont très stricts, vous savez. Tant que ça? Oui, les mauvaises langues disent que tout ce qui est amusant est interdit à Singapour. Vous pouvez préciser? Par exemple, vous écoperez d'une grosse contravention jusqu'à 1 000 $ singapouriens, 600 euros d'aujourd'hui, si vous jetez des papiers dans la rue, ou n'importe quel déchet d'ailleurs, même un mégot. Il est interdit de cracher aussi. Les Chinois ont eu un mal fou à s'y faire. Si vous mangez dans le métro, c'est aussi 500 $ d'amende. Pareil pour le bus, ou si vous transportez un durian, suivant où c'est défondu. C'est quoi un durian? Un fruit délicieux à l'intérieur, mais l'odeur, oh là là, nauséabonde, je ne vous dis pas. Tout le monde la craint. Vous verrez, partout il y a des panneaux, armes à feu et durian interdit. C'est d'un drôle. Il doit y avoir beaucoup de flics alors. Oui, mais pas facile à repérer parce qu'ils sont presque tous en civil. Il y a beaucoup de délations aussi. C'est un avantage, remarquez. La délinquance est quasi inexistante. Vous m'étonnez, et à part ça, d'autres infos utiles? Quelques-unes. En gros, faut pas toucher à la politique ou à la religion. Bah, comme partout ailleurs. Sans doute, mais ici c'est sévèrement réprimé. Tout comme les manifestations spontanées, les grèves, la pornographie et l'homosexualité. Les écrits douteux sont censurés également. Sans oublier que vous pouvez être pendu si vous trafiquez de la drogue. À Singapour, on a vite fait de vous pendre. C'est les champions du monde de la catégorie. Puis, regardant Maxime droit dans les yeux, il ajoute « Le moindre comportement équivoque vis-à-vis d'une femme peut vous bloquer 15 jours sur l'île. » Et, si elle vous dénonce, touriste ou pas, vous passez au tribunal. Et je vous dis pas l'amende. Fichtre, merci de m'avoir prévenu. Salaud, tu préparais déjà un mauvais coup ? Rit Faustine. Quelques heures plus tard, s'amorce la descente sur Bahreïn. Jérôme les quitte à regret, non sans leur avoir encore conseillé, en dernière minute, la visée du Jardin National des Orchidées. Enfin et surtout l'expérience du Tree Chow, ces triporteurs principalement chinois qui remplacent les taxis. Essayez de passer quelques heures dans le parc d'attractions de Sentosa si vous voulez voir comment les autochtones s'amusent. D'accord, d'accord, on essayera. Surtout ne sortez jamais sans parapluie, il y a tous les jours des averses. Merci, merci beaucoup Jérôme. Les 2 heures de transit dans l'aéroport de Bahreïn passent très vite. Il fait nuit, il n'y a rien à voir, pas de boutique ni de restaurant. Le plein fait, Maxime et Faustine retrouvent leur place dans l'avion. Faustine arrive même à dormir, ce qui est plutôt rare pour elle, sans alcool et sans somnifère. Avec tout ce qu'elle a lu et entendu, elle s'attend à ce que sa vision de l'Asie, dont ses seules références à ce jour sont les romans de Pearl Buck, soit un peu illusoire, voire trompeuse. Elle espère toutefois trouver au milieu des immeubles ultramodernes quelques pépites de l'ancienne Chine. On dit que Singapour, au cœur du monde malais, est une enclave chinoise avec ses 75% d'habitants. À l'arrivée, c'est le choc. La porte s'ouvre sur le tarmac et Faustine reçoit, mettant le pied dehors, une immense gifle chaude et humide. Bienvenue sous l'équateur. Elle trouve cela absolument fantastique, ayant l'impression de respirer pleinement pour la première fois de sa vie. À croire que l'humidité ambiante transporte des milliards de cellules d'oxygène et que son corps en redemande, les buvant avec avidité, comme une hydratation régénérante. La navette les emmène à l'hôtel en une demi-heure à peine. Un portier saute sur leurs bagages, il ne reste plus qu'à pénétrer dans le hall. Et là, nouvelle surprise. Des oiseaux volaient dans un jardin débordant de fleurs luxuriantes, entourant un étang regorgeant de poissons exotiques. Des ascenseurs transparents s'élèvent à travers cascades et palmiers. Derrière les comptoirs d'accueil, des employés souriants vous souhaitent la bienvenue dans un excellent anglais. Quelle magnifique civilisation! L'Europe, en comparaison, est d'une grossièreté. Dans le lointain, on entrevoit des restaurants indiens, thaï, européens, et des bars, ou plutôt des pubs. Un pianiste installé dans le lobby joue des airs de jazz en sourdine. L'atmosphère est si feutrée qu'on se surprend à chuchoter pour ne pas risquer une fausse note. Sitôt qu'il est enregistré, on accompagne le couple dans ses appartements. Dans l'ascenseur, le tapis mentionne « Bienvenue, aujourd'hui nous sommes dimanche ». C'est un tapis de 3 mètres sur 3 en fibre de coco. Il a l'air lourd. Faustine se demande s'il le change tous les jours. Leur chambre est à la hauteur du reste. Sur les oreillers, une carte de bienvenue, accompagnée d'un bouquet de boules rouges. S'emparant de l'une d'elles, Faustine l'incise de son ongle. Une matière d'un blanc laiteux, légèrement visqueuse, émerge de la fonte rouge. Elle interroge. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des yeux de bœuf crus, une spécialité du coin. » Pouah, quelle horreur! Mais non, ma chérie, ce sont des litchis. Ils sont absolument délicieux. Goûte. On en trouve déjà en Europe, bien qu'ils ne soient pas encore à la mode. Je vais goûter alors. Waouh, c'est bon, dis donc, et drôlement rafraîchissant. La chambre est spacieuse, pourvue d'un lit king size que Maxime veut tout de suite essayer. Quelle santé après toutes ces heures d'avion! Faustine se laisse faire, de lente, surprise d'arriver à ressentir quelque chose, voire plus. Voilà qui permet, quelques minutes plus tard, de profiter de la salle de bain. Un véritable rêve en soi. Linge épais, peignoir moelleux, baignoire pour deux et douche tropicale. Un luxe que l'on ne trouve pas encore en France. Sauf peut-être où Georges V. Ce soir-là, ils dîneront à l'hôtel dans le restaurant européen. Maxime doit préparer ses cours pour le lendemain. Faustine est chargée de trouver un restaurant local abordable, car ils ne pourront pas s'offrir ceux du Sheraton pendant l'entier de leur séjour. La jeune femme dort encore quand Maxime part travailler. Le ministère de la Défense lui a envoyé un chauffeur qui leur accompagnera le soir. Les élèves sont des mécaniciens chargés de la maintenance des avions de combat et d'en gérer les interférences électromagnétiques. Du fait de sa vulnérabilité, par exemple 80% de l'eau est fournie par la Malaisie, un voisin loin d'être facile, la protection de l'île est assurée principalement par une importante force aérienne de dissuasion. Il y a intérêt à ce que les ingénieurs soient au point. Dans la matinée, Faustine sort de l'hôtel, prend sa gifle humide et avance tout droit. Elle attend d'être accompagnée de Maxime pour découvrir les restaurants indigènes. Dans un premier temps, elle se renseigne, les situe. Heureusement que beaucoup de gens parlent anglais ici. L'exploratrice a établi une liste regroupant les demandes de Maxime et celles des nanas du bureau, parmi d'autres. Il lui faut des kimonos, des saris, des éventails, des orchidées en tube, du baume du tigre, etc. Comme toujours, lorsqu'elle se trouve à l'étranger, Faustine se promène dans les marchés et les petits magasins fréquentés par les gens du coin. On y croise très peu d'Européens. Ici, pour être sûr de respirer l'Asie, il faut aller dans le quartier chinois. À quelques kilomètres à pied de l'hôtel, là, elle déambule pendant des heures, au milieu de stands proposant des produits de la pharmacopée chinoise, de la viande séchée, des fruits et légumes ordinaires. De loin en loin, on perçoit des effluves sulfurées de durian. Au-dessus de sa tête sont accrochées des cages contenant des poules ou des pigeons. Contre le mur, les lézards séchés. Ailleurs encore, dans des bocaux remplis de formol, baignent des fœtus. De quel animal? Impossible de le savoir. Comme avait prévenu Jérôme, leur ami Stuart, tout ici est propre et net. On pourrait presque manger par terre. En milieu d'après-midi, Faustine n'a rien trouvé dont elle pourrait comprendre l'usage. Donc elle n'achète rien. Elle reprendra sa quête demain. Levant le bras, elle hèle un rickshaw et se fait raccompagner à l'hôtel. Maxime ne tarde pas à la rejoindre sous la douche. Il est épuisé. Il souffre encore du décalage horaire et les élèves, dégradés de l'armée de terre et de la marine, ont été incroyablement demandeurs. À Singapour, ni le gouvernement ni l'armée passent outre la sécurité. Ce n'est pas pour rien que le taux de criminalité est le plus bas du monde. Subséquemment à la douche relaxante, le couple se met en quête de nourriture. Il paraît qu'il y a un food center ou food court, appelé Newton, faut le faire, tout près de l'hôtel. De fait, c'est à 10 minutes à pied. Faustine trouve l'endroit fantastique. Une trentaine d'échoppes entourent des tables numérotées. On comprend très vite de quoi il s'agit. Numéro de table en tête, baguenaudée au milieu des stands, se laisser mener au nez par les parfums les plus alléchants et enfin commander son plat. Le cuisinier note le numéro de la table, apporte la commande payée à réception. Les minuscules guitounes sont occupées par des familles entières, chaque membre voué à une tâche spécifique. En arrière-plan, les grands-mères épluchent les légumes. Les enfants sont habiles à la coupe, très fine, pour limiter le temps de cuisson au maximum d'énergie dépensée. Une partie de la génération suivante part la viande, compose les brochettes. L'autre officie à la friteuse ou au wok. Ils utilisent de l'huile de sésame et salent presque tout à la sauce New York Man, saumure d'anchois ou encore au soja fermenté. À vous les brochettes saté, le riz au crabe épicé, le canard laqué, les nouilles aux légumes et les crevettes au curry. La table est couverte de mets, tous plus appétissants les uns que les autres. On s'offre un repas entier pour la modique somme de 2 dollars Singapour. Vous me direz, un seul plat suffit en principe, et nos deux lascars apprendront vite à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et pour boire, là, c'est de l'ordre du fantastique aussi. Faustine découvre un stand qui regorge de fruits frais. Oranges, pommes, poires, bananes, mangues, pastèques, melons, citrons verts, fraises, etc. Pour sa première fois, elle en choisit une dizaine que le jeune vendeur enfile dans son extractrice. Celle-ci possède une ouverture si grande qu'on peut y introduire un ananas entier. Pareil pour les pommes ou les poires, et c'est ce qu'il fait. Les déchets ressortent dans un bac. De l'autre côté se remplit une chope d'un litre de mélange mousseux au goût inégalable. Faustine côtoie le septième ciel. Franchement, avec des boissons pareilles, qui voudrait de l'alcool? Elle a trouvé sa boisson de prédilection pour tout le séjour et au-delà. Repus et comblés, les deux amants rejoignent leur chambre, espérant une seconde bonne nuit. Pendant leur absence, une petite fée a refait le lit et posé sur l'oreiller un chocolat portant la mention « Sweet Dreams ». Une corbeille de fruits trône sur la table basse. Elle est pas belle, la vie.